Chapitre 10e. Je me retirai donc à mon cloître de Notre-Dame, où je ne m'abandonnais pas si fort à la Providence, que je ne me servisse aussi de moyens humains pour me défendre de l'insulte de mes ennemis. Henri, avec la noblesse du Vexin, me rejoignit. Chateaubriand, Château-Renaud, le vicomte de Lamet, Argenteuil, le chevalier d'Humières se logèrent dans le cloître. Ballan et le comte de Crafort, avec 50 officiers écossais qui avaient été des troupes de Montrose, furent distribués dans les maisons de la rue Neuve qui m'étaient le plus affectionnées. Les colonels et les capitaines de quartier qui étaient dans mes intérêts eurent chacun leur signal et leur mot de ralliement. Enfin, je me résolus d'attendre ce que le chapitre des accidents produirait, en remplissant exactement les devoirs de ma profession et en ne donnant plus aucune apparence d'intrigue du monde. Jouy ne me voyait qu'en cachette. Je n'allais que la nuit à l'hôtel de Chevreuse, seul avec Malclair. Je ne voyais plus que des chanoines et des curés. La raillerie en était forte au Palais-Royal et à l'hôtel de Condé. Je fis faire, en ce temps-là, une volière dans une croisée, et nos gens en fit le proverbe « Le coadjuteur siffle ses linottes ». La disposition de Paris me consolait fort du ridicule du Palais-Royal. J'y étais fort bien, et d'autant mieux que tout le monde y était fort mal. Les curés, les habitués, les mendiants avaient été informés avec soin des négociations de M. le Prince. Je donnai des bottes à M. de Beaufort, qu'il ne paraît pas avec toute l'adresse qui eût été nécessaire. M. de Châteauneuf, qui s'était retiré à Montrouge après qu'on lui eût ôté les sceaux, me donnait tous les avis qui lui venaient d'ordinaire très bons, et du maréchal de Villeroy et du commandeur de Jarre. Monsieur, qui dans le fond du cœur était enragé contre la cour, entretenait très soigneusement le commerce que j'avais avec lui. Voici qui donnait la forme à ses préalables. Le vicomte d'Hôtel vint chez moi entre minuit et 1 heure, et il me dit que le maréchal du Plessis, son frère, était dans le fond de son carrosse à la porte. Comme il fut entré, il m'embrassa en me disant « Je vous salue comme notre ministre ». Comme il vit que je souriais à ce mot, il ajouta « Non, je ne raille point. Il ne tiendra qu'à vous que vous ne le soyez. La reine me vient de commander de vous dire qu'elle remet entre vos mains la personne du roi et sa couronne. Écoutez-moi. » Il me conta ensuite où le prétendu traité de M. le Prince avec Servien et Lyonne, dont je vous ai déjà parlé. Il me dit que le cardinal avait mandé à la reine que si elle ajoutait le gouvernement de Provence à celui de Guyenne, sur lequel elle venait de se relâcher, elle était déshonorée à tout jamais, et que le roi son fils, quand il serait en âge, la considérait comme celle qui aurait perdu son état. Qu'elle voyait son zèle pour son service dans un avis aussi contraire à ses propres intérêts. Que ce traité portant son rétablissement comme il le portait, il y pourrait trouver son compte, parce que le ministre d'un roi affaibli trouvait quelquefois plus d'avantage pour son particulier dans la diminution de l'autorité que dans son agrandissement. Il eût eu peine à prouver cette thèse, mais qu'il aimait mieux être toute sa vie mendiant de porte en porte que de consentir que la reine contribue elle-même à cette diminution, et particulièrement pour la considération de lui Mazarin. Le maréchal du Plessis, à ce dernier mot, tira la lettre de sa poche, écrite de la main du cardinal, que je connaissais très bien. Je ne me souviens pas d'avoir vu en ma vie une si belle lettre. Voici ce qui me la fit croire offensive. Ce n'est pas de ce qu'elle n'était pas en chiffres, car elle était venue par une voix si sûre que je ne m'en étonnais pas, mais elle finissait ainsi. « Vous savez, madame, que le plus capital ennemi que j'ai au monde est le coadjuteur. Servez-vous-en, madame, plutôt que de traiter avec monsieur le prince aux conditions qu'il demande. Faites le cardinal, donnez-lui ma place, mettez-le dans mon appartement. Il sera peut-être à monsieur plus qu'à votre majesté, mais monsieur ne veut point la perte de l'état. Ses intentions, dans le fond, ne sont point mauvaises. Enfin tout, madame, plutôt que d'accorder à monsieur le prince ce qu'il demande. S'il l'obtenait, il n'y aura plus qu'à le mener à Reims. » Voilà la lettre du cardinal. Il ne me souvient peut-être pas des propres paroles, mais je suis assuré que c'en était la substance. Je crois que vous ne condamnerez pas le jugement que je fis dans mon âme de cette lettre. Je témoignai au maréchal que je la croyais très sincère et qu'il ne se pouvait pas, par conséquent, que je ne m'en sentisse très obligé. Mais comme, dans la vérité, je n'en pris que la moitié pour bonne du côté de la cour, je me résolus aussi, sans balancer, d'en user de même du mien, de ne pas accepter le ministère, et d'en tirer, si je pouvais, le cardinalat. Je répondis au maréchal du Plessis que j'étais sensiblement obligé à la reine, et que pour lui marquer ma reconnaissance, je la suppliais de me permettre de la servir sans intérêt, que j'étais très incapable du ministère pour toutes sortes de raisons, qu'il n'était pas même de la dignité de la reine d'y élever un homme encore tout chaud et tout fumant, pour ainsi parler, de la faction, que le titre même me rendrait inutile à son service du côté de monsieur et encore beaucoup davantage du côté du peuple, qui étaient les deux endroits qui, dans la conjoncture présente, lui étaient les plus considérables. Mais, reprit tout d'un coup le maréchal du Plessis, il faut quelqu'un pour remplir la niche. Tant qu'elle sera vide, monsieur le prince dira toujours que l'on y veut remettre monsieur le cardinal, et c'est ce qui lui donnera de la force. Vous avez d'autres sujets, lui répondis-je, bien plus propres à cela que moi. À quoi le maréchal repartit. Le premier président ne serait pas agréable aux frondeurs. La reine, ni monsieur, ne se fieront jamais à Chavigny. Après bien les tours, je lui nommai monsieur de Châteauneuf. Il se récria à ce nom. « Et quoi ? » me dit-il. « Vous ne savez pas que c'est le plus grand ennemi que vous avez au monde ? Vous ne savez pas que ce fut lui qui s'opposa à votre chapeau à Fontainebleau ? Vous ne savez pas que ce fut lui qui écrivit de sa main ce beau mémorial, qui fut envoyé à votre honneur et louange au Parlement ? » Voilà précisément où j'appris cette dernière circonstance, car je savais déjà toute la pièce de Fontainebleau. Je répondis au maréchal que je n'étais peut-être pas si ignorant qu'il se l'imaginait, mais que les temps avaient porté des raccommodements, qui, à l'égard du public, avaient couvert le passé, que je craignais comme la mort la nécessité des apologies. Mais, reprit le maréchal, si nous vous mettons en main le mémoire envoyé au Parlement ? Si vous me le mettez en main, lui répartis-je, j'abandonnerai monsieur de Châteauneuf, car en ce cas, le mémoire qui a été écrit depuis notre raccommodement me servira d'apologie. Le maréchal s'agita beaucoup sur cet article, sur lequel il prit occasion de me dire, plus délicatement qu'à lui n'appartenait, que monsieur m'avait aussi abandonné, ce qu'il coula pour découvrir comme j'étais avec lui. Je voulus bien lui en donner le contentement en lui répondant qu'il était vrai, mais que je ne le traiterais pas néanmoins comme monsieur de Châteauneuf. J'ajoutai à la réponse un petit sourire, comme s'il m'eût échappé, pour lui faire voir que je n'étais peut-être pas si maltraité de monsieur qu'on l'avait cru. Comme il vit que je m'étais refermé, après avoir jeté cette petite lueur, il me dit « Il faudrait que vous vissiez vous-même, la reine. » Je ne fis pas semblant de l'avoir entendu. Il le répéta encore une fois, et puis tout d'un coup, il jeta sur la table un papier en disant « Tenez, lisez. Vous fierez-vous à cela ? » C'était un écrit signé de la reine qui me promettait toutes sortes de sûretés. Si je voulais aller au palais royal. « Non, » dis-je au maréchal. « Et vous l'allez voir ?» Je baisai le papier avec un profond respect et je le jetai dans le feu en disant « Quand me voulez-vous mener chez la reine ?» Je n'ai jamais vu un homme plus surpris que le maréchal. Nous convînmes que je me trouverais à minuit dans le cloître Saint-Honoré. Je n'y manquais pas. Il me mena au petit oratoire par un degré dérobé. La reine y entra un quart d'heure après. Le maréchal sortit, et je restai tout seul avec elle. Elle n'oublia rien, pour me persuader de prendre le titre de ministre et l'appartement du cardinal au palais royal, que ce qui était précisément et uniquement nécessaire pour m'y résoudre, car je connus clairement qu'elle avait plus que jamais le cardinal dans l'esprit et dans le cœur. Et quoiqu'elle affectât de me dire que bien qu'elle estimât beaucoup et qu'elle l'aimât fort, elle ne voulait point perdre l'état pour lui, j'eus tout sujet de croire qu'elle y était plus disposée que jamais. Je fus convaincu, avant même que je sortisse de l'oratoire, que je ne me trompais pas dans mon jugement, car aussitôt qu'elle eut vu que je ne me rendais pas sur le ministère, elle me montra le cardinalat. Mais comme prix des efforts que je ferais, pour l'amour d'elle, me disait-elle, pour le rétablissement du Mazarin. Je crus qu'il était nécessaire que je m'ouvrisse, quoique le pas fût fort délicat. Mais j'ai toute ma vie estimé que quand l'on se trouve obligé de faire un discours que l'on prévoit ne devoir pas agréer, l'on ne lui peut trop donner d'apparence de sincérité, parce que c'est l'unique voie pour l'adoucir. Voici ce que, sur ce principe, je dis à la reine. Je suis au désespoir, madame, qu'il ait plu à Dieu de réduire les affaires dans un état qui ne permet pas seulement, mais qui ordonne même à un sujet de parler à sa souveraine comme je vais parler à votre majesté. Elle sait mieux que personne que l'un de mes crimes auprès de monsieur le cardinal est d'avoir prédit cela, et j'ai passé pour l'auteur de ce dont je n'ai jamais été que le prophète. L'on y est, madame. Dieu sait mon cœur, et que personne en France, sans exception, n'en est plus affligé que moi. Votre Majesté souhaite, et avec beaucoup de justice, de s'en tirer, et je la supplie très humblement de me permettre de lui dire qu'elle ne le peut faire, à mon sens, tant qu'elle pensera au rétablissement de Monsieur le Cardinal. Je ne dis pas cela, madame, dans la pensée que je le puisse persuader à votre Majesté. Ce n'est que pour m'acquitter de ce que je lui dois. Je coule le plus légèrement qu'il m'est possible sur ce point, que je sais n'être pas agréable à votre Majesté, et je passe à ce qui me regarde. J'ai, madame, une passion si violente de pouvoir récompenser par mes services ce que mon malheur m'a forcé de faire dans les dernières occasions, que je ne reconnais plus de règles à mes actions que celles que je me forme sur le plus ou le moins d'utilité dont elles vous peuvent être. Je ne puis proférer ce mot sans revenir encore à supplier très humblement votre Majesté de me le pardonner. Dans le temps ordinaire, cela serait criminel, parce que l'on ne doit considérer que la volonté du maître. Dans les malheurs où l'État est tombé, l'on peut et l'on est même obligé, lorsque l'on se trouve en de certains postes, à n'avoir égard qu'à le servir, et c'est là une chose dont un homme de bien ne se doit jamais tenir dispensé. Je manquerai au respect que je dois à votre Majesté, si je prétendais contrarier, par toute autre voie que par une très humble et très simple remontrance, les pensées qu'elle a pour Monsieur le Cardinal. Mais je crois que je n'en sors pas. Vu les circonstances, en les représentant avec une profonde soumission, ce qui peut me rendre utile ou inutile à son service dans la conjoncture présente. Vous avez, madame, à vous défendre contre Monsieur le Prince qui veut le rétablissement de Monsieur le Cardinal, à condition que vous lui donniez par avance de quoi le perdre quand il lui plaira. Vous avez besoin, pour lui résister, de monsieur qui ne veut point le rétablissement de monsieur le cardinal et qui, supposé son exclusion, veut, sans exception, tout ce qu'il vous plaira. Vous ne voulez point, madame, donner à monsieur le prince ce qu'il demande ni à monsieur ce qu'il souhaite. J'ai toutes les passions du monde de vous servir contre l'un et de vous servir auprès de l'autre, et il est constant que je ne puis réussir qu'en prenant les moyens qui sont propres à ces deux fins. Monsieur le prince n'a de force contre votre majesté que celle qu'il tire de la haine que l'on a contre monsieur le cardinal. Et monsieur n'a de considération, hors celle de sa naissance, capable de vous servir utilement contre monsieur le prince, que celle qu'il emprunte de ce qu'il a fait contre le même monsieur le cardinal. Vous voyez, madame, qu'il faudrait beaucoup d'art pour concilier ces contradictions, quand même l'esprit de monsieur serait gagné en sa faveur. Il ne l'est pas, et je vous proteste que je ne crois pas qu'il puisse l'être, et que s'il entrevoyait que je l'y voulusse porter, il se mettrait plutôt aujourd'hui que demain entre les mains de monsieur le prince. La reine sourit à ces dernières paroles, et elle me dit « Si vous le vouliez, si vous le vouliez... »« Non, madame, repris-je, je vous le jure sur tout ce qu'il y a au monde de plus sacré. »« Revenez à moi, » me dit-elle, « et je me moquerai de votre monsieur, qui est le dernier des hommes. » Je lui répondis « Je vous jure, madame, que si j'avais fait ce pas, et qu'il parût le moins du monde que je me fusse radouci pour monsieur le cardinal, je serais plus inutile auprès de monsieur et dans le peuple, à votre service, que le prélat de Dole, parce que je serais sans comparaison plus haï de l'un et de l'autre. » La reine se mit alors en colère, et me dit que Dieu protégerait le roi son fils, puisque tout le monde l'abandonnait. Elle fut plus d'un demi-quart d'heure dans de grands mouvements, dont elle revint après assez bonnement. Je voulus prendre ce moment pour suivre le fil du discours que je lui avais commencé. Elle m'interrompit en me disant « Je ne vous blâme pas tant à l'égard de monsieur que vous pensez. C'est un étrange seigneur. Mais, reprit-elle tout d'un coup, je fais tout pour vous. Je vous ai offert place dans le conseil. Je vous offre la nomination au cardinalat. Que ferez-vous pour moi ?»« Si votre majesté, madame, lui répondis-je, m'avait permis d'achever ce que j'avais tantôt commencé, elle aurait déjà vu que je ne suis pas venu ici pour recevoir des grâces, mais pour essayer de les mériter. » Le visage de la reine s'épanouit à ce mot. « Et que ferez-vous ? » me dit-elle fort doucement. « Votre majesté me permet-elle, ou plutôt me commande-t-elle, lui répondis-je, de dire une sottise ? Parce que ce sera manquer au respect que l'on doit au sang royal. » « Dites, dites, » reprit la reine avec impatience. « J'obligerai, madame, lui repartis-je, « Monsieur le prince de sortir de Paris avant qu'il soit 8 jours. et je lui enlèverai monsieur dès demain. » La reine, transportée de joie, me tendit la main en me disant « Touchez-la, vous êtes après demain cardinal et de plus le second de mes amis. » Elle entra ensuite dans les moyens. Je les lui expliquai. Ils lui plurent jusqu'à l'emportement. Elle eut la bonté de souffrir que je lui fisse un détail et une manière d'apologie du passé. Elle conçut, ou elle fit semblant de concevoir, une partie de mes raisons. Elle combattit les autres avec bonté et douceur. Elle revint ensuite à me parler du Mazarin et à me dire qu'elle voulait que nous fussions amis. Je lui fis voir que je me rendrais absolument inutile à son service, pour peu que l'on touchât cette corde, que je la conjurais de me laisser donc le caractère d'ennemi de Mazarin. « Mais vraiment, dit la reine, je ne crois pas qu'il y ait jamais eu une chose si étrange. Il faut, pour me servir, que vous demeuriez l'ennemi de celui qui a ma confiance. »« Oui, madame, lui répondis-je, il le faut. Et n'ai-je pas dit à votre majesté, en entrant ici, que l'on est tombé dans un temps où un homme de bien a quelquefois honte de parler comme il y est obligé ?» J'ajoutai. « Mais, madame, pour faire voir à votre majesté que je vais même à l'égard de monsieur le cardinal, jusqu'où mon devoir et mon honneur me le permettent, je lui fais une proposition. Qu'il se serve de l'état où je suis avec monsieur le prince, comme je me sers de l'état où monsieur le prince est avec lui. Il y pourra peut-être trouver son compte, comme j'y trouve le mien. » La reine se prit à rire de bon cœur, et puis elle me demanda si je dirais à monsieur ce qui se venait de passer. Je lui répondis que je savais certainement qu'il l'approuverait, et que pour lui témoigner, le lendemain, au cercle, il lui parlerait d'un appartement qu'elle voulait faire accommoder ou faire à Fontainebleau. Comme je la suppliais de garder le secret, elle me répondit qu'elle en avait bien plus de sujets que je ne pensais. Elle me dit sur cela tout ce que la rage fait dire contre Servien et contre Lyonne, qu'elle appela d'un fois des perfides. Elle traita Chavigny de petit coquin. Elle finit par le tailler en disant « Il n'est pas traître comme les autres, mais il est faible, et il n'est pas assez reconnaissant. » « Mais, madame, repris-je, je supplie votre majesté de me permettre de lui dire que tant que la niche de premier ministre sera vide, monsieur le prince en prendra une grande force, parce qu'il la fera toujours paraître comme toute prête à recevoir monsieur le cardinal. » « Il est vrai, me répondit la reine, et j'ai fait la réflexion sur ce que vous en avez dit la nuit passée au maréchal du Plessis. Le vieux Châteauneuf est bon pour cela, mais monsieur le cardinal y aura bien de la peine car il le hait mortellement et il en a sujet. » Le tailler croit qu'il n'y a que lui à mettre en cette place. Mais à propos de cela, ajouta-t-elle, j'admire votre folie. Vous vous faites un point d'honneur de rétablir cet homme, qui est le plus grand ennemi que vous ayez sur la terre. Attendez. En disant cette parole, elle sortit du petit oratoire, elle y rentra aussitôt, et elle jeta sur un petit autel le mémoire qui avait été envoyé contre moi au Parlement, brouillé et raturé, mais écrit de la main de monsieur de Châteauneuf. Je lui dis, après l'avoir lu, « S'il vous plaît, madame, de me permettre de le montrer, je me séparerai dès demain de monsieur de Châteauneuf. Mais votre majesté juge bien qu'à moins d'une justification de cette nature, je me déshonorerai. » « Non, me répondit la reine, je ne veux pas que vous le montriez. Châteauneuf nous est bon, et au contraire, il faut que vous lui fassiez meilleur visage que jamais. » Elle me reprit des mains son papier. « Je le garde, me dit-elle, pour le faire voir, en temps et lieu, à sa bonne amie, madame de Chevreuse. » Mais à propos de bonne amie, ajouta la reine, vous en avez une meilleure que vous ne pensez peut-être. Devinez-la. C'est la Palatine, poursuivit-elle. Je demeurais tout étonné parce que je croyais la Palatine encore dans les intérêts de monsieur le prince. Vous êtes surpris, me dit la reine. Elle est moins contente de monsieur le prince que vous ne l'êtes. Voyez-la. Je suis convenu avec elle que vous régliez ensemble ce qu'il faut demander sur tout ceci à monsieur le cardinal, car vous croyez facilement que je n'exécuterai rien sans avoir de ses nouvelles. Ce n'est pas, ajouta-t-elle, que cela soit nécessaire à l'égard de votre cardinalat, car il y est très résolu, et il reconnaît, de bonne foi, que vous ne pouvez plus vous-même vous en défendre. Mais enfin, il faut le persuader pour Châteauneuf, ce qui sera difficile. La Palatine vous dira encore autre chose. Il faut que Batet parte, le temps presse. Vous voyez comme monsieur le prince me traite. Il me brave tous les jours, depuis que j'ai désavoué mes deux traîtres. » C'est ainsi qu'elle appelait Servien et Lyonne. Vous verrez qu'elle changera bientôt de sentiment à l'égard du dernier. Je pris ce moment où elle rougissait de colère pour lui bien faire ma cour en lui répondant « Avant qu'il soit 2 jours, madame, monsieur le prince ne vous bravera plus. Votre majesté veut attendre des nouvelles de monsieur le cardinal pour effectuer ce qu'elle me fait l'honneur de me promettre. Je la supplie très humblement de me permettre que je n'attende rien pour la servir. » La reine fut touchée de cette parole, qui lui parut honnête. Le vrai est qu'elle m'était de plus nécessaire, car je voyais que monsieur le prince, depuis 5 ou 6 jours, gagnait du terrain par les éclats qu'il faisait contre le Mazarin, et qu'il était temps que je parusse pour en prendre ma part. Je fis valoir, sans affectation à la reine, la démarche que je méditais, et j'achevai de lui en expliquer la manière que j'avais déjà touchée dans le discours. Elle en fut transportée de joie. La tendresse qu'elle avait pour le cardinal fit qu'elle eut un peu de peine à agréer que je continuasse à ne le pas épargner dans le Parlement, où l'on était obligé, à tous les quarts d'heure, de le déchirer. Elle se rendit toutefois à la considération de la nécessité. Comme j'étais déjà sorti de l'oratoire, elle me rappela pour me dire qu'au moins je me ressouvinsse bien que c'était monsieur le cardinal qui lui avait fait instance de me donner la nomination. À quoi je lui répondis que je m'en sentais très obligé et que je lui en témoignerais toujours ma reconnaissance en tout ce qui ne serait pas contre mon honneur, qu'elle savait ce que lui avait dit d'abord et que je la pouvais assurer que je la tromperais doublement si je lui disais que je la puisse servir pour le rétablissement dans le ministère de monsieur le cardinal. Je remarquai qu'elle rêva un peu, et puis elle me dit d'un air assez gai « Allez, vous êtes un vrai démon, voyez la palatine, bonsoir. Que je sache la veille, le jour que vous irez au palais. » Elle me mit entre les mains de Gabory, car elle avait renvoyé le maréchal du Plessis, qui me conduisit, par je ne sais combien de détours, presque à la porte des cuisines. La nuit suivante, le futur cardinal se rend chez monsieur, puis chez la palatine. La reine tiendra sa parole, et Mazarin ne pourra s'empêcher, avec toutes les plus mauvaises intentions du monde, de laisser tomber le chapeau sur la tête de Ré.